Alors moi j'ai décidé de garder des traces de la lutte sociale dans l'entreprise dans laquelle je travaille depuis 5 ans. À partir du jour où l'entreprise qui était ultra bénéficiaire et à qui on faisait battre des records de production tous les ans nous annonce qu'il licencie la totalité des salariés pour aller délocaliser en Macédoine. Et donc moi j'étais dans cette entreprise et je savais déjà dessiner, et la seule façon de garder des traces de tout ce qu'on allait vivre, c'était de prendre les feuilles et les bics qui étaient sur place dans mon bureau et de commencer à recueillir un maximum de témoignages, d'informations et au jour le jour de relater tout le conflit et d'avoir au fur et à mesure un espèce de panorama général de comment c'était vécu, quels impacts ça allait avoir sur les travailleurs, le travail syndical, les agissements de la multinationale. Il y a plein de facettes comme ça qui s'additionnent et en même temps que l'évolution du conflit. Et donc c'était important aussi de garder des traces parce que c'était très représentatif de ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, surtout depuis 2008. Et donc ouais, on était assez symbolique. Et aussi symbolique, pas forcément dans la lutte, mais aussi dans l'état d'esprit des travailleurs par rapport à des entreprises qui les embauchent avec une violence de classe, on pourrait dire, de plus en plus forte. L'objectif au départ, c'était de créer un objet positif et original moi, mon idée, c'était de faire un blog très vite et de mettre en page, mettre des nouvelles pages en ligne tous les deux jours pour que l'extérieur puisse suivre nos aventures, hein, et que ça puisse avoir un impact médiatique sur l'image de marque de l'entreprise. Et du coup, ça a assez bien marché. Il y a plein de médias en Belgique qui en ont parlé et qui du coup traitaient le conflit. Et ils en parlaient beaucoup plus parce qu'il y avait dedans un ouvrier qui se mettait à faire une BD. Et donc du coup, c'était un truc assez original et qui permettait d'avoir une visibilité du conflit beaucoup plus grande dans les médias. Et donc du coup, ça a beaucoup embêté la multinationale. Et puis beaucoup intéressé beaucoup de gens parce que le site était beaucoup vu. Et donc du coup, l'idée de faire une bande dessinée sur 6 mois dans l'entreprise et d'avoir vraiment utilisé mon temps de travail pour le détourner complètement contre l'employeur et de passer énormément de temps avec les collègues et pouvoir prendre le pouls au plus juste de la réalité des choses, ça a permis de créer une histoire beaucoup plus complexe que si c'était juste passé en entrefilé dans les médias, comme trop souvent. Donc.